98 troupes de porteurs. C'est assez récent. Hein. Oui, oui. Enfin, pas de sous. Oui, un chouillard, quoi. Ouais. Nous voyons qu'en 1998, ils ont construit un rond-point du parking bus et en 2000, ils ont fait la terrasse rocheuse. Voilà. Ils réparent les dégâts. Bon, je parle en me déplaçant et vous entendez l'effet de rupture. Prise